الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Les principes du takfir. Le terme takfir est énormément évoqué par les diverses tendances islamiques contemporaines. Certains en parlent comme d'une invention qui n'a pas d'origine. D'autres admettent son existence dans les principes de la religion, mais ils prétendent que seule une élite a le droit de le prononcer. D'autres le prononcent à l'encontre de musulmans qui ne le méritent pas. Pourtant, le takfir est un principe islamique bien réel et même fondamental. Tous les prophètes considéraient ceux qui ne suivent pas le message qu'ils apportaient de leur Seigneur comme des infidèles impies, des païens, des idolâtres et des insoumis. Et c'est ainsi que les compagnons du prophète pratiquèrent le takfir sur ceux qui refusèrent de payer la zakat après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Ainsi que ceux qui ont cru en la prophétie de Musaïlama et ceux qui ont adoré Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu et d'autres exemples que les savants ont tous évoqués dans les livres d'histoire. Et tous les savants de l'islam ont écrit au sujet du droit musulman. Et pas un de leurs livres ne néglige le chapitre de l'apostat, qui est celui qui sort de l'islam après y être entré, même s'il prétend toujours être musulman. Vu l'importance de ce principe et les nombreux égarements qui ont été inventés à son sujet par les différentes sectes se réclamant de l'islam, et qu'aucun livre en français n'est venu t'expliquer ce sujet aux musulmans, sur base des véritables avis des savants de l'islam sunnite, sans trahir leur doctrine, ni la procédure qu'ils suivaient dans ces domaines et sans altérer le sens de leurs propos, contrairement à ce que font la plupart de ceux qui parlent de ce sujet aujourd'hui. La place du takfir dans la religion de l'islam. Faire le takfir de celui qui adore un autre qu'Allah, ou qui suit un autre prophète que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire être convaincu que cette personne n'est pas musulmane, et n'est pas du tout sur la religion enseignée par le prophète Mohammed alayhi wa sallam. Et cette conviction, elle est inséparable du monothéisme, et c'est l'un des premiers enseignements apportés par tous les prophètes, alayhi salam, tant et si bien qu'il est impossible d'être musulman et d'entrer au paradis sans cette conviction, comme nous allons le voir au long de ce livre, Inch'Allah. Le takfir dans le Coran. Il y a de nombreux versets dans le Coran qui évoquent le fait que ceux qui donnent des associés à Allah, ainsi que les alliés du Tarout et ceux qui démentent les prophètes ou s'opposent à leur enseignement, ou à certains de leurs enseignements sont des mécréants, et que leur refuge éternel dans l'au-delà sera l'enfer. Nous n'en citerons que quelques-uns afin de ne pas surcharger. Premier verset. Ô vous les mécréants, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateurs de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, à vous votre religion, et à moi ma religion. Ibn Kathir dit dans l'interprétation de cette sourate, cette sourate est la sourate de la rupture avec les œuvres que font les polythéistes, et elle ordonne le monothéisme. Et lorsqu'il dit « Dis, ô vous les mécréants », cela englobe tous mécréants sur toute la surface de la terre. En effet, le messager et ceux qui le suivent adorent Allah d'après sa loi. Et c'est pour ça que le témoignage de l'islam est « Il n'y a de vrai Dieu qu'Allah et Mohammed est le messager d'Allah ». C'est-à-dire que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah, et aucun chemin ne mène à lui si ce n'est le chemin enseigné par le messager, qu'Allah le bénisse et le salue. Quant aux polythéistes, ils adorent autre qu'Allah, d'après un culte qu'Allah n'a pas permis. Et c'est pour ça que le messager leur a dit, à vous votre religion et à moi ma religion. Et c'est comme lorsqu'Allah a dit, et s'il te demande, et s'il te démente, dis, à moi mon œuvre et à vous vos œuvres. Vous êtes innocent de ce que je fais et je suis innocent de ce que vous faites. Allah Ta'ala dit, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre en Ibrahim, en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez, en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Ibn Kathir dit dans l'interprétation de ce verset, quand ils dirent à leur peuple, nous vous désavouons, vous, ça veut dire, nous nous séparons de vous. Et ce que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. C'est-à-dire, nous renions votre religion et le chemin que vous suivez. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées. C'est-à-dire qu'il y aura désormais une séparation et une haine à partir de maintenant, entre vous et nous, tant que vous serez sur votre créance. À tout jamais, nous faisons rupture avec vous et nous vous haïssons jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est-à-dire jusqu'à ce que vous témoigniez de l'unicité d'Allah et que vous lui consacriez vos œuvres de culte à lui seul, et que vous vous sépariez de ce que vous adorez en dehors de lui comme rivaux et idoles. On voit ici que le modèle d'Ibrahim et des autres prophètes ne peut être suivi sans avoir au préalable eu conviction que ceux qui adorent d'autres qu'Allah ne sont pas sur la même religion et qu'ils ne sont pas monothéistes et qu'ils n'ont pas foi en Allah seul. Ibrahim dit à son peuple, je tourne mon visage exclusivement vers celui qui a créé à partir du néant les cieux et la terre, et je ne suis point de ceux qui lui donnent des associés. Je ne suis pas des vôtres, ça veut dire, je ne suis pas de ceux, l'imam Tabari il dit dans l'interprétation de ce verset, et je ne suis pas des vôtres, ça veut dire, je ne suis pas de ceux qui adoptent votre religion et qui suivent votre chemin, ô polythéiste. Et Allah Ta'ala dit, tel est mon chemin, j'appelle à la religion d'Allah en toute clairvoyance, moi et ceux qui me suivent, et pureté à Allah, et je ne suis pas de ceux qui lui donnent des associés. L'imam Tabari dit dans l'interprétation de ce verset, je suis innocent de ceux qui lui donnent des associés, je ne suis pas des leurs, et ils ne sont pas des miens. On voit dans ces versets que le fait d'exclure de l'islam ceux qui donnent des associés à Allah fait partie de la religion des prophètes, l'essence même du désaveu des polythéistes.